إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 22 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan, et aujourd'hui on commence le chapitre 4, al-Bab al-Rabi' Bab al-Khawf min al-Shirk, c'est-à-dire le chapitre qui parle de la crainte ou d'avoir peur du shirk. Ok, donc le Cheikh il commence l'explication de ce chapitre là en disant هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة وهذا من دقة فهمه أو فقهه رحمه الله وحسن تأليفه فإنه لما ذكر في الباب الأول معرفة حقيقة التوحيد وذكر في الباب الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وذكر في الباب الثالث من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب لما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر ضد التوحيد وهو الشرك لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به بل لا بد أن يعرف ضده وهو الشرك خشية أن يقع فيه ويفسد عليه توحيده لأن من لا يعرف الشيء يوشك أن يقع فيه كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية لأنه لا يدري عن أمور الجاهلية أو يحسبها شيئا طيبا وهي من أمور الجاهلية فبجهله بحقيقتها التبست فصار يفعلها وهي من الجاهلية فكذلك أخطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداخله وأنواعه وأخطاره فإنه حري أن يقع في الشرك حيث لا يدري لأن الجهل داء قاتل قال والشاعر يقول والضد يظهر حسنه الضد بضدها تتبين الأشياء أو تتبين الأشياء. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Le Cheikh il dit que le Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab il a placé ce chapitre là par rapport aux autres chapitres qui ont précédé et il y a un signe dans ça de sa grande ou bien des détails de sa compréhension de la religion et de la façon comment il écrivait très bien ses livres et comment il les plaçait de façon structurée d'un chapitre à l'autre. Le premier chapitre parlait de la réalité du tawhid et de connaître la réalité du tawhid. Le deuxième chapitre parlait du mérite du tawhid et de ce que le tawhid efface de nos péchés ou peut expier de nos péchés. Et le troisième chapitre parle du fait de réaliser ou de compléter la signification du tawhid. Et que celui qui l'a complété comme il faut, eh ben, il rentre au paradis sans châtiment ni punition. Et le Cheikh il dit donc c'est le bon moment maintenant de mentionner au chapitre 4 l'opposé du tawhid. C'est quoi? C'est le shirk. Parce que lorsqu'on connaît l'opposé d'une chose, eh bien ça nous aide à avoir une meilleure idée, une meilleure vision, une meilleure conception de la réalité de cette chose. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc lorsque tu connais le tawhid, c'est bien de connaître le tawhid. Toutefois, si tu ne connais pas le shirk, eh bien tu risques de tomber dans quelque chose de shirk ou qui a rapport avec le shirk sans même le savoir. D'accord? Donc le shaykh il donne l'exemple dans la citation de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il a dit qu'il craignait que le câble de l'islam s'effrite. Hein, commence à, c'est comme un câble lorsqu'il commence à se défaire fil par fil. Eh bien, il a comparé l'islam à un câble qui se défaisait fil par fil, commence à se déchirer. Hein. Pourquoi? Parce que des gens naissent dans l'islam sans avoir connu la jahiliya. C'est-à-dire, ils naissent dans l'islam sans avoir connu les choses qui se faisaient avant l'islam, qui sont en contradiction avec l'islam. Comme par exemple le shirk et tout ce qui a rapport avec les choses qui sont contraires à la religion. Donc, le shirk il dit qu'il se peut que des gens fassent des choses qui font partie de la jahiliya, c'est-à-dire qui font partie de l'époque pré-islamique, de l'époque d'ignorance. Et il se peut que certaines personnes qui sont nées dans l'islam trouvent que certaines choses sont bonnes et en réalité elles font partie des choses de la jahiliya, mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de la réalité de la jahiliya et de la réalité des fois de l'islam. Et donc, des choses commencent à être, disons, floues hein, ou embrouillées pour eux. Et donc, ils ne peuvent pas nécessairement distinguer comme il faut entre tout ce qui a rapport avec la jahiliya et tout ce qui est opposé à la jahiliya. Donc, ça c'est très dangereux. Et encore plus dangereux que ça, celui qui ignore le shirk. Et les choses qui font rentrer dans le shirk et qui ignorent les catégories et différentes formes de shirk et les dangers du shirk. Donc, c'est très important donc de le connaître parce que sinon c'est très facile de tomber dans une forme quelconque de shirk sans le savoir. Et c'est ça ce qui se passe actuellement dans le monde musulman, que beaucoup de musulmans pratiquent des formes de shirk, ou beaucoup de gens qui se disent musulmans pratiquent des formes de shirk majeur ou mineur, sans même le savoir. Sans même savoir que c'est contraire à l'islam, ou sans même savoir que c'est shirk. Et parmi eux, certains d'entre eux qui font ces formes de shirk, s'imaginent que ce qu'ils font, c'est quelque chose de bien, parfois même. Ils pensent que ça les rapproche d'Allah, alors que ça les fait tomber dans qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui les amène à l'enfer. Et le shirk, il mentionne les paroles d'un poète qui dit que c'est par l'opposé d'une chose qu'on arrive à la comprendre et à la connaître comme il faut. Elle devient plus claire lorsqu'on connaît son opposé. Le cheikh dit: فلا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض ولا يعرف قيمة النور إلا من وقع في الظلام ولا يعرف قيمة الماء إلا من عطش ولا يعرف قيمة الطعام إلا من مسه الجوع ولا يعرف قيمة الأمن إلا من أصابه الخوف ولا يعرف قيمة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجنبها ويحافظ على التوحيد. الشيخ الزي celui qui ne connaît pas la c'est-à-dire tu peux pas connaître la valeur de la santé si tu n'as pas goûté à la maladie. Tu peux seulement apprécier la valeur de la santé, d'être en bonne santé, lorsque tu as goûté à la maladie. Tu peux seulement apprécier la valeur de la lumière lorsque tu as connu l'obscurité. Tu peux seulement apprécier la valeur de l'eau lorsque tu as goûté à, ou tu as senti la soif. Tu peux seulement comprendre la valeur de la nourriture lorsque tu as eu faim. Et donc la même chose pour le tawhid, tu ne peux pas connaître la valeur de la sécurité tant que tu n'as pas connu la crainte, et tu ne peux pas connaître la valeur du tawhid tant que tu n'as pas compris ou su ce qu'est le shirk et ce que sont les choses qui ont rapport avec la période pré-islamique ou avec la jahiliya par exemple. Et c'est pour ça des fois même, parfois je parle avec des musulmans à propos des chrétiens, par exemple, et du christianisme, et eux, ils comprennent pas, yani, pourquoi, par exemple, je critique ou je déteste certains aspects du christianisme et la façon dont je les critique. Et ils s'imaginent parfois que c'est quelque chose, des fois, ils comprennent pas nécessairement la raison pourquoi, hein, on déteste ces aspects-là. Alors qu'en réalité, celui qui a connu le christianisme, qui a grandi dedans, qui l'a étudié à l'école, qui l'a pratiqué depuis son enfance, qui a connu ses différentes formes d'égarement, de mensonges, de fausseté qui sont dedans, et qui a connu l'islam par la suite, eh bien c'est normal qu'il va la détester d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus profonde, hein, et qu'il va avoir une opposition à cette religion-là et à cette croyance-là, qui est basée sur beaucoup plus de compréhension que celui qui a grandi dans l'islam, qui n'a jamais connu les formes d'égarement que les chrétiens ont connues. Aujourd'hui, la plupart des musulmans, quand ils sont opposés ou qu'ils détestent un chrétien, c'est uniquement basé sur des affaires politiques ou économiques, jamais sur la croyance. C'est-à-dire, ça n'a jamais rapport avec la foi. Hein. C'est pas, ils vont pas dire je déteste le christianisme ou j'aime pas le christianisme à cause qu'ils ont donné un fils à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien parce qu'ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont prié à Maryam, ils prient à Isa, ils font leurs images, ils se mettent à genoux devant ces images, ils prient la croix, ils adorent les saints. Mais c'est pas pour ça que la plupart des musulmans qui sont opposés à l'Occident ou qui sont opposés aux religions, opposés à l'islam comme le christianisme, c'est pas basé sur la religion, c'est basé sur des choses politiques et économiques. Hein. Tandis que celui qui était chrétien, qui a vécu et grandi dans le christianisme et qui a compris l'égarement et la fausseté de ses croyances et qui a quitté cette religion-là puis qui a accepté l'islam, il a uniquement accepté l'islam parce qu'il a compris que c'est la religion qui enseigne et qui appelle aux enseignements de tous les messagers d'Allah, de tous les prophètes, et que le prophète Isa alayhi salam, la religion à laquelle il appelait, c'était l'islam, c'est-à-dire à tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à adorer Allah seul. Et Isa, alayhi salam, celui qu'on appelle Jésus dans le christianisme, il n'a jamais dit aux hommes, adorez-moi, adorez ma mère, adorez les saints. Il a toujours dit aux hommes, adorez Allah seul. Hein? Donc c'est pour cette raison-là que nous, quand on a compris ça et quand on a découvert le vrai message de l'islam, on s'est opposé au christianisme et on a accepté la religion d'Allah, pas pour des raisons politiques, pas parce qu'ils ont colonisé les pays musulmans, pas parce qu'ils ont volé les richesses des pays musulmans, pas parce qu'ils ont fait des massacres, pas parce qu'ils ont fait ci et ça, ça c'est des détails, ça c'est secondaire. La vraie raison pourquoi on est opposé à ces gens-là, en premier, c'est parce qu'ils ont associé des créatures et des êtres avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Et ça, c'est la base de notre opposition et de notre animosité envers ces gens-là. Hein? Surtout en particulier les pays qui ont vécu la colonisation et qui ont vécu toutes sortes de problèmes, de guerres avec les koufars de l'Occident. Eh ben, ils s'imaginent souvent qu'ils les détestent, ces gens-là. Et puis des fois, tu vois, par exemple, j'ai rencontré certains frères algériens, ils refusaient de parler français parce qu'ils disent, ça c'est la langue des koufars, ils nous ont colonisés et tout. Toutefois, ils apprennent l'anglais et ils parlent l'anglais. Et c'est aussi un des koufars, et ils n'ont pas colonisé l'Algérie, mais ils ont colonisé d'autres pays musulmans. Donc pourquoi faire une distinction entre un peuple chrétien puis un autre peuple chrétien, hein? Ils sont tous des koufars à la base parce qu'ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce qu'ils ont colonisé. Il y a des pays musulmans qui peuvent coloniser d'autres pays musulmans. Et ce sont des musulmans, ce ne sont pas des koufars. Parfois, il y a des peuples musulmans qui font des injustices à d'autres peuples musulmans. Hein? C'est sûr qu'on déteste l'injustice qu'ils font, mais on ne les déteste pas comme un kafir qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc il y a des choses aussi qu'il faut regarder, la même chose avec les juifs et la Palestine et la situation qui se passe là-bas, c'est la même chose. Peu de musulmans détestent les juifs parce qu'ils ont renié le Coran ou renié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et refusé de croire en la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou parce qu'ils ont refusé de croire en Isa et en l'Injil. Hein, peu de musulmans détestent les juifs à cause de leurs croyances qui sont opposées à la vérité. La plupart d'entre eux, c'est pour des raisons politiques, hein, ou bien pour une jalousie, pour la dunya, parce qu'ils ont plus de richesses, parce qu'ils ont pris la terre, parce qu'ils ont plus de pouvoir, et ils voudraient, eux, avoir le même pouvoir et avoir la terre. C'est tout. Et s'ils ont un jour repris la terre, eh bien, ils vont devenir les meilleurs amis avec ces gens-là. Parce que c'est pas basé sur l'aqidah. Donc, la base de notre religion, c'est l'aqidah. Une fois, j'ai parlé avec une fille qui n'était pas musulmane, elle était chrétienne. Je lui ai dit, pourquoi tu n'acceptes pas l'islam? Elle m'a dit, ah non, je ne veux pas accepter l'islam, c'est trop dur, il y a trop de, c'est trop compliqué. J'ai dit, ok, d'accord, je vais te poser des questions pour voir si vraiment tu ne veux pas accepter l'islam. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a un Dieu unique? Elle m'a dit oui. Est-ce que tu es d'accord qu'il ne faut pas prier à Isa, mais il faut prier à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul? Elle m'a dit oui, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que tu es d'accord que quand tu veux demander pardon à, pour un péché, tu ne dois pas aller demander à un prêtre, mais tu dois demander pardon uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala? Elle a dit oui, je suis d'accord avec ça. J'ai dit, donc dans ce cas-là, tous les fondements et les bases de l'islam, tu les as acceptés. Donc en principe, déjà tu peux dire que tu es déjà prêt à accepter l'islam parce que tu as accepté la base, c'est-à-dire tu as accepté la croyance et la foi de l'islam. Hein? Et c'est ça en fait qui te fait rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah dakhala al-jannah »« Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah dakhala al-jannah » C'est ça qui va te faire rentrer au paradis, c'est ta foi en la ilaha illallah. Maintenant les autres aspects qui viennent avec l'islam, ça vient à la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il a dit « Innaka » تذهب إلى قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. La première chose que Mu'adh était commandé de faire lorsqu'il allait chez les chrétiens ou les juifs, c'est de les appeler à la ilaha illallah, pas autre chose. Donc il y a des musulmans aujourd'hui, quand ils veulent faire da'wa à des non-musulmans, ils commencent par leur parler de le porc, c'est haram, l'alcool, c'est haram, le hijab, des choses comme ça. Et il ne parle pas de l'aqidah. Alors que l'aqidah, c'est la base. S'il accepte de ne pas manger de porc, s'il accepte de ne pas boire d'alcool, s'il accepte de mettre le hijab, mais elle n'a pas compris la foi de l'islam, ça ne compte pas qu'est-ce qu'elle va faire. Donc il faut concentrer sur l'aqidah avant tout. Si elle accepte l'aqidah, mais elle néglige certaines autres choses, comme par exemple, si elle devient musulmane, elle dit la ilaha illallah, mais elle continue à manger du porc par exemple, ou bien elle continue à boire de l'alcool, c'est moins pire que si elle meurt sans être musulmane du tout, sans shahada. Donc c'est ça aussi, il faut voir maintenant les questions de priorité, c'est-à-dire la ilaha illallah, c'est la base, c'est la priorité. Et il y en a qui pensent que pour faire da'wa à un chrétien ou à un kafir, il faut commencer par être ami avec lui. Tu deviens copain, tu commences à ami avec lui, faire des blagues, être plus proche de lui, puis après petit à petit tu vas lui parler de d'autres choses, pas de religion, puis à la fin peut-être là quand il va être proche, tu attends que lui il va te poser des questions. C'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le da'wa à l'islam. Il n'est pas devenu ami avec tous les mouchriquins de Mecca pour après commencer à devenir copain avec lui puis dire petit à petit je vais les appeler, non. Première chose qu'il a fait, il a dit « La ilaha illallah, tuflihu » hein? Il est venu les voir, il leur a dit « Dites la ilaha illallah hein? » Il a dit, quand tu vois un kafir, même si tu ne le connais pas, même si tu n'es pas ami avec lui, tu lui dis « Je t'invite à accepter l'islam » et tu vas voir sa réaction, après tu peux lui expliquer l'islam et tu l'invites à accepter l'islam. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit ton copain, soit ton ami, parce que s'il devient ton ami, après tu l'appelles à l'islam, peut-être il devient musulman juste pour te faire plaisir, pour toi, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important que la personne comprenne que si elle accepte l'islam, c'est pour lui-même, c'est pas pour te faire plaisir à toi. Hein? Et souvent il y a des musulmans qui comprennent pas cette notion-là, hein? Parce que eux c'est juste par amitié, pire, le fait d'être amical avec les gens qui les fait devenir musulmans. Il y a des chrétiens qui sont de cette façon, ils utilisent cette méthode pour amener des gens au christianisme. Ils vont dans leur pays, ils leur construisent des écoles, ils leur construisent des hôpitaux, ils leur donnent de l'eau, ils leur donnent la nourriture, ils leur donnent des vêtements pour essayer de les faire devenir chrétiens. Ça c'est la méthode qu'ils utilisent, comme si pour essayer d'acheter les gens. Hein, c'est ça, une forme de corruption là, pour la religion. Alors les gens ils ne deviennent pas réellement chrétiens parce qu'ils ont cru nécessairement au principe du christianisme, mais ils le font juste parce qu'ils ont senti, par exemple, bon, par eux. Soit parce qu'ils se sentent comme, parce qu'ils sont gentils avec nous, donc on va faire ça. Et puis ils continuent à croire à la même chose qu'ils croyaient auparavant. Allah al-Musta'an. Naam. Naam, Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est des exemples, comme le frère dit, hein, comment ils utilisent les moyens, comme ils essaient d'acheter les gens et de les faire convertir de cette façon. Musulman, oui, c'est ça. Donc il y a souvent des choses comme ça. C'est comme tu dis, il y a plein d'organismes là qui montrent comme si c'est des organismes à but non lucratif ou des organisations humanitaires, OGM, oui, qui montrent à l'extérieur qu'ils sont juste des aides humanitaires, soi-disant pour aider les gens pauvres qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont rien. Et en dessous, c'est des missionnaires. C'est-à-dire ils vont dans les pays musulmans et non musulmans pour amener des gens à se convertir au christianisme. Et parfois, les occidentaux ou ces organisations-là, leur but principal, c'est pas nécessairement d'arriver à convertir les gens à leur religion pour les faire devenir chrétiens. Mais ils seront satisfaits de savoir que ces musulmans-là ont adopté leur mentalité et leur mode de vie occidental. S'ils ont réussi à les faire vivre et à les faire penser comme des occidentaux, même s'ils sont encore musulmans, eh bien pour eux, ils ont réussi leur travail. Maintenant, s'ils acceptent le christianisme, pour eux, c'est un détail, c'est secondaire, regardez. Hein? Parce que même ici, regardez, les chrétiens, combien de chrétiens vont à l'église? Hein? C'est des vieillards qui vont à l'église seulement. Mais il y a rarement des jeunes, je parle des églises catholiques en particulier, bien entendu, les églises protestantes dans différentes communautés, ils sont plus actifs, tu vois, des jeunes parfois, mais dans les écoles catholiques, dans les églises catholiques, tu vois, la plupart, c'est des vieillards. Hein? Parce que c'est une religion qui est complètement, disons, délaissée. Ah oui, ben c'est ça, finalement, elle ne s'est pas encore convertie, mais Inch'Allah, peut-être, on espère que celle-là, elle va se convertir, parce que qu'est-ce qui fait peur aux gens, des fois, à propos de l'islam? C'est pas les principes de base de l'islam, parce que les principes de base de l'islam sont clairs, et tout le monde, quand il les entend, il les accepte, il ne peut pas les rejeter, parce que c'est la vérité, c'est tellement solide. Ils ne peuvent pas le renier. Et c'est ça qui fait la force de l'islam, en fait. Mais c'est les autres choses par la suite qui demandent des sacrifices, qui demandent de faire des efforts, hein, et d'abandonner certaines choses ou de faire certaines choses qui vont demander beaucoup de patience et beaucoup d'endurance et beaucoup de sacrifices. Et ça, ça fait peur aux gens. Parce que la plupart des gens aiment pas aller contre le courant de la société. La plupart des gens aiment plutôt suivre le courant. Être comme des poissons, hein, mais pas des saumons. Les saumons, ils vont contre le courant. Hein, ils veulent être dans l'autre sens. Ils veulent se laisser couler avec le courant. Donc, c'est ça que le cheikh nous explique ici, l'importance de l'aqida et la crainte du shirk. En fait, c'est ça, c'est une des bases qui est importante à comprendre. Et, il y a peu de musulmans, malheureusement, aujourd'hui, ont compris le danger du shirk. Le chef il dit, ok, c'est uniquement lorsque tu as réalisé et compris la réalité du tawhid et que tu as compris le shirk et les choses de la jahiliya que tu peux t'en écarter et que tu peux préserver ton tawhid. Et le chef il dit, wa min huna يظهر خطا هؤلاء الذين يقولون لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة ونرد على المعتزلة والجهمية لأنهم بادوا وذهبوا وعلموا الناس التوحيد ويكفي. أو بعضهم يقول لا تعلمهم التوحيد لأنهم أولاد فترة نشأوا في بلاد المسلمين، علموهم أمور الدنيا الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة، أما التوحيد فيحصلونه بفترتهم وبيئتهم. نعم وجد من يقول هذا. Le cheikh il dit, il y a des gens, on voit l'erreur de ceux qui vivent aujourd'hui, on n'a pas besoin d'enseigner aux gens les fausses aqidas, les fausses religions, les fausses croyances des différentes sectes ou des différents groupes ou des différentes religions. Ça c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'apprendre comment réfuter les sectes comme les Mu'tazila et les Jahmiya, parce qu'ils sont finis, ils n'existent plus, ils sont disparus. enseigner seulement aux gens le tawhid et ça suffit. Enseigner juste aux gens al-haq, la vérité. Et par la vérité, ils vont connaître le mensonge tout seul. Pas besoin de leur expliquer les détails des sectes et des religions fausses. Ou il y en a d'autres qui disent, n'enseignez pas aux gens le tawhid parce que ce sont des enfants qui sont nés sur la fitra. Ils sont déjà sur l'islam. Hein? Ils sont nés dans les pays musulmans. Enseignez-leur des choses de la dunya, comme par exemple les différentes techniques, les différentes technologies, les choses nouvelles. Comme ça, ils vont pouvoir profiter de ces sciences-là. Mais le tawhid, ils le connaissent déjà par leur environnement et par leur fitra. Donc le cheikh dit oui, il y a des gens qui pensent comme ça. وبعض الناس يقول الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات لأنهم تثقفوا وعرفوا فلا يمكن أنهم يشركون بعد ذلك لأن الشرك كان في الجاهلية يوم كان الناس سباجا ويسمون الشرك في العبادة شركا ساذجا والشرك عندهم ما يسمونه أو وما يسمونه بالشرك يعني الشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين أو شرك الحاكمية. الشيخ يزي il y en a des musulmans qui disent aussi les gens ont dépassé actuellement la période de disons la période des superstitions parce qu'ils disent à travers l'histoire de l'humanité, ils disent que les êtres humains sont passés à travers différentes étapes. Et maintenant, on est arrivé dans l'étape scientifique. Donc, les hommes maintenant ne croient plus aux superstitions, ne croient plus aux idoles, ne croient plus aux religions. Les gens sont évolués maintenant. Plus besoin de leur parler de shirk, des idoles et des choses de ce genre. Ça, c'était dans la jahiliya. C'était avant, les gens étaient naïfs. Croyant n'importe quoi, ils acceptaient n'importe quoi. Aujourd'hui, on est déjà, les gens ont évolué, les gens ont changé. Donc, on n'a plus besoin de leur parler de forme de shirk dans l'adoration. Ça, c'est un shirk naïf. Le shirk qu'on doit attaquer aujourd'hui, ils disent que ça, c'est le shirk politique, ou le shirk des dirigeants, ou le shirk dans le jugement, dans la politique. Donc, ça, c'est certaines tendances parmi certains groupes islamistes qui essaient d'utiliser ce type de discours, et ça en particulier celui qui disait ça, c'est Salman al-Awda, un des sururiya en Arabie Saoudite, il a écrit dans un livre qu'il a écrit Ma'na la ilaha illallah, ou Kayfa nad'u ila la ilaha illallah, et bien dans ce livre-là il a écrit, il a dit, on peut apprendre le tawhid dans 5 minutes. Et quand ils ont posé la question au Cheikh Fawzan à propos de cette parole, il a dit subhanallah. Donc tu apprends le tawhid en 5 minutes, et le fiqh en 5 minutes, et le hadith en 5 minutes, et l'usul en 5 minutes. En 30 minutes, tu vas devenir un alim. C'est comme ça, subhanallah. Donc dans ce même livre-là, il disait, à l'époque, les gens étaient naïfs, ils croyaient à n'importe quoi, ils étaient superstitieux. Aujourd'hui, on est arrivé à une époque, maintenant personne ne croit plus en ces choses-là. Donc, comme le frère dit, ça, aujourd'hui, c'est pire aujourd'hui. Tu vois des gens qui font des doctorats, ils ont veston, cravate, et quand ils ont un problème, ils vont voir le wali, ils vont se prosterner devant l'idole, ou devant une tombe. Peu importe, ils pensent que le fait de s'habiller avec veston, cravate, puis le fait d'être doctorat, d'avoir un diplôme en sciences, que ça les sauve du shirk. Non. Il y a des gens parmi les plus intelligents, les plus éduqués dans la dunya, et puis quand c'est question de religion, ils tombent dans les plus grandes formes d'égarement et de shirk. Donc ça, le fait d'avoir une éducation scientifique, ça ne protège pas du shirk, au contraire même parfois. Donc c'est pour ça, quand on n'a pas une bonne connaissance d'Allah et qu'on ne prend pas notre religion à partir des références des textes que Allah a révélés, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, n'importe qui peut s'égarer, peu importe son niveau d'éducation. Ouais, il ne croit rien du tout, c'est comme des bêtes. Comme des animaux, yani, subhanallah. C'est vrai, c'est un malheur qui les touche. Non, c'est vrai, c'est un malheur qui les touche, c'est rien comme, yani, c'est pas comme, c'est, ouais, bon, ouais, ça c'est la, il y a cette tendance existentialiste. C'est l'existentialisme, là, l'athéisme, yani, de dire que bon, yani, peu importe que, même les animaux sont mieux que, vraiment, ces gens-là sont pires que les animaux. Ouais, bien sûr, ils adorent leur ahwa, leur passion. l'adoration et tout, ouais. Oui, souvent ils posent cette question, pourquoi? Ouais, pourquoi pas à toi? Hein? C'est vrai, ils disent, pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi pas à toi? Hein? T'es privilégié? Non, mais c'est vrai, des fois. C'est comme tu dis, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? C'est parce que ces gens-là, c'est vrai, peut-être qu'ils vont pas se tourner vers un dieu, vers une divinité quand ils ont un malheur. Mais ils se tournent quand même vers quelque chose. Et ils ont un absolu dans leur vie. C'est-à-dire, ils ont quand même, parce que tout être humain, peu importe lequel, quand il vit, il faut qu'il ait un but, un objectif, une raison de vivre. Quelque chose qui le pousse à rester à vivre, sinon il va se suicider. Et la plupart d'entre eux, c'est ça ce qu'ils font, ils se suicident. Mais, sinon, il faut qu'il ait un but, un objectif. Souvent, ces gens-là, ils mettent leur absolu dans quelque chose. Il y en a qui le mettent dans une femme, hein. Un gars, il va mettre son absolu dans une femme. Sa femme ou sa copine. La fille, elle met son absolu dans son copain, dans son chum ou je sais pas quoi. Et puis s'il le laisse ou s'il la laisse, eh ben, là c'est la fin du monde. Eh ben, il se tue, c'est fini. Il y en a des gens qui sont comme ça. Et il y en a d'autres, c'est l'argent, il y en a d'autres, c'est le travail. S'ils perdent leur travail, ils vont se pendre, ils vont se suicider, ils vont jeter en bas d'un train, hein. Plein d'exemples de ce genre comme ça. Mais ça, c'est des cas qu'on commence à voir dans les pays musulmans. Moi, j'observe beaucoup maintenant la tendance comment les gens commencent à devenir de plus en plus dans les pays musulmans. Et tu vois qu'ils commencent de plus en plus à devenir, il y en a beaucoup de musulmans qui commencent tellement à être influencés par les koufars de l'Occident que c'est comme si dans leur cœur et dans leur tête, de plus en plus, ils ont même adapté leur façon de vivre, leur façon de voir la vie comme les koufars. C'est-à-dire, quand ils pensent, quand ils voient le monde, quand ils voient la vie, quand ils voient leur existence, ils ne pensent que comme des koufars. Parce que le suicide, on sait le châtiment pour le suicide dans l'islam, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se suicide, il continuera à se suicider dans l'enfer éternellement. Hein. Ben oui, exactement. Celui qui s'est pendu, il va continuer à se pendre dans le feu. Celui qui s'est tué, par exemple, en prenant du poison, il va continuer à se tuer comme ça. Celui qui s'est tué en se jetant en bas d'une falaise, il va continuer à se jeter en bas d'une falaise dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Et des choses de ce genre, donc. C'est le qabr, Allahu a'lam. Moi, j'ai lu ça dans les hadiths qui parlaient dans l'enfer, dans l'akhira. Mais Allahu a'lam, yani. Non. Ouais, mais ça c'est autre chose, ça c'est haram ça aussi, comme ils appellent en anglais, les mercy killings, c'est-à-dire l'euthanasie là, ça aussi c'est haram. Bon, on va continuer. Le cheikh il dit que ces gens-là, ces groupes-là dont on parle par exemple, qui disent non, maintenant on a dépassé l'époque du shirk, des idoles et tout ça, ils disent maintenant le shirk qu'on doit attaquer, c'est le shirk politique. Le shirk des gouvernements, des gens qui jugent par autre que la loi d'Allah, des gens qui veulent pas juger selon la charia et tout ça, hein. Ils veulent attaquer ce point-là en particulier. Et ça, c'est des groupes, parmi les groupes des Khawarij, qui ont dévié de la sunna et qui mettent toute leur importance, tout le poids de la religion sur ces gens-là, ou sur ces choses-là, sur la politique, pour pouvoir se justifier les révoltes contre les dirigeants et contre les gouvernements pour essayer d'arriver à prendre le pouvoir dans les pays musulmans et même peut-être même dans les pays non musulmans. Alors que lorsque tu regardes sérieusement la situation, quand tu compares le shirk que les gens font dans l'adoration et le shirk qui a rapport soi-disant au plan politique, et que tu compares les deux, tu vois que le poids est complètement inégal. Quand tu penses qu'il y a par exemple, juste un exemple, en Égypte seulement, comme je dis souvent cet exemple-là, 3 millions de musulmans qui chaque année vont faire des pèlerinages à la tombe d'un saint, ou de celui qu'on appelle Al-Badawi, qui n'est même pas un saint en fait, mais que les gens ont pris comme étant un wali. Et ils amènent des animaux pour les égorger à la tombe et chercher des vœux et des faveurs de ce soi-disant wali. Et ça c'est juste en Égypte. 3 millions dans un pays, qu'est-ce qui est plus dangereux pour le peuple ou pour la population? Qu'est-ce qui va amener le plus de monde en enfer? Le shirk dans la politique ou le shirk que les enfants quand ils vont adorer. 3 millions, subhanallah, chaque année. Ça, c'est presque le même nombre de personnes qui vont faire le hajj à Mecca, hein, chaque année. Eh ben, ça, c'est, et ça, c'est juste celui de l'Égypte. Ça, on ne parle pas des autres pays musulmans où il y a presque des rassemblements de gens de la même amplitude, de la même catégorie, de la même chose. Il y a que les gens font des formes de shirk comme ça dans les pays musulmans. Et ça, c'est pas le pouvoir, c'est la population en entier. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux de faire rentrer des gens en enfer que de parler d'une personne qui est au pouvoir qui fait du shirk. Si ça s'applique, ce shirk s'applique à lui, si jamais ça s'applique, parce qu'on sait qu'il y a le kufr akbar et le kufr asrar ou le kufr duna kufr, hein, il y en a des quatre, ça dépend du dirigeant, il y en a qui sont kufar, il y en a qui sont pas kufar, tu peux pas dire ça, tu vois. Donc eux, ils ont pris cette question, puis ils ont voulu mettre le poids là-dessus uniquement pour justifier le fait des révoltes politiques et le fait de vouloir prendre le pouvoir. Et ils laissent le peuple continuer à faire des formes de shirk dans les tombes et tout ça, et ils disent, on va pas parler de ça maintenant. On va parler de ça, shirk al-qubur, on va en parler juste quand on va prendre le pouvoir, et qu'on va établir l'État islamique, là après on va commencer à appliquer et à dire aux gens, il faut pas faire ça. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, ana al-nadhir al-uryan. Il disait, ana al-nadhir al-uryan. Il dit, je suis comme l'avertisseur nu. C'est quoi al-nadhir al-uryan? L'avertisseur nu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'était au temps des Arabes, avant l'islam. Quand il y avait un ennemi, quelqu'un qui est en haut d'une montagne, il voit à l'horizon qu'un ennemi, une armée de l'ennemi approche. Et il sait qu'il n'a pas le temps d'avertir les gens. Il enlève ses vêtements, puis il enlève son vêtement, puis il fait signe aux gens, et puis il court. Nu. Quand les gens le voient comme ça, ils disent, ah, il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Il n'y a pas le temps d'avancer. Mais c'est pour faire comprendre aux gens, il y a le danger du shirk. Et que le vrai danger du shirk, c'est de que les gens meurent sans avoir dit la ilaha illallah et sans avoir appliqué la signification de la ilaha illallah, puis ils restent en enfer pour l'éternité par la suite. Donc ça, c'est très dangereux, c'est très grave. Plus dangereux que ce que ces gens-là peuvent, dénoncer de problèmes dans la politique. Le Cheikh Ibn Walihad la yahtamuna bi inkari hadha ash-shirk alladhi bu'ithat ar-rusul li inkarihi wa innama yansubu inkaruhum ala ash-shirk fi al-hakimiyyah faqat. Tu les vois qu'ils ne donnent aucune importance de dénoncer le shirk pour lequel les messagers ont été envoyés. C'est-à-dire le shirk que les gens font dans l'adoration. Ils se préoccupent uniquement des questions de politique et de pouvoir. وكل هذه من حيل الشيطان لبني آدم. والواجب أننا كما نعرف الحق يجب أن نعرف الباطل من أجل أن نعمل بالحق ونجتنب الباطل. ولهذه المناسبة العظيمة ذكر الشيخ باب الخوف من الشرك وبعد ما ذكر أبواب التوحيد وفضله وما يكفر من الذنوب وتحقيق التوحيد وهذه نعمة عظيمة ولكن إذا حازها الإنسان فإنه يخشى من ضدها فلا بد أن يعرف الأمور أن يعرف ضدها حتى يجتنبها ويتنبه لهذا الأمر فإن هناك أناسا الآن كثيرين يزهدون في تعلم هذه الأمور تعلم التوحيد وتعلم الشرك ومعرفة الشبه والضلال ويزهدون في هذه الأمور وإذا وهذا عليكم السلام ورحمة الله وهذا إما من جهلهم وعدم معرفتهم وإما لأنهم يريدون الدس على المسلمين وإفساد عقيدة المسلمين فلنحذر من هذا الأمر. سمعنا من يقول إن الذي يدرس عقائد المعتزلة والرد عليهم مثل الذي يرجم القبر لأنهم ماتوا يقولون كذا. نقول سبحان الله هم ماتوا بأشخاصهم ولكن مذاهبهم باقية وشبهاتهم باقية وكتبهم تتبع الآن وتحقق وينفق عليها الأموال وتروج فكيف نقول نتركهم لأنهم ماتوا؟ والله تعالى ذكر شبهات المشركين من الأمم السابقة، فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود، ومع أنها أمم بادئة بائدة، نعم، ذكر شبهها ورد عليها. فالعبرة ليست بالأشخاص، العبرة بالمذاهب، والعبرة بالشبه الباقية لكل قوم وارث، ولكل قوم وارث. الشيخ دي que cette attitude que ces gens-là ont adoptée, c'est une attitude qui fait partie des ruses du shaitan pour dévier les fils d'Adam. Et l'obligation pour nous, c'est de connaître la vérité, et il est aussi obligatoire pour nous de connaître le faux, la fausseté et le mensonge aussi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لِتَسْتَبِيلَ سَبِيلِ الْمُجْرِمِينَ, pour que la voie des criminels devienne claire. Parce que c'est pas suffisant juste de dire qu'on connaît la vérité, il faut connaître aussi le mensonge pour pouvoir s'en préserver, et pour pouvoir mieux connaître la vérité, hein, et pour pouvoir mieux s'écarter du mensonge. Et c'est pour ça donc que le chef a mis ce chapitre qui est d'avoir peur ou de craindre le shirk, après avoir parlé de tawhid et de son mérite, et de ce que le tawhid efface de nos péchés, et de la réalisation du sens complet du tawhid. Et ça, c'est une grande miséricorde et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si l'être humain peut en profiter et connaître le tawhid, et qu'il craigne ce qui s'oppose au tawhid, hein. Donc ça, c'est nécessaire et c'est obligatoire de connaître ce qui s'oppose au tawhid pour pouvoir s'en écarter, hein. Il y avait une fois dans un forum, je parlais, puis j'ai mentionné que par exemple, il faut, parce qu'il y a une femme qui parlait de, par exemple, des cours d'éducation pour l'enfance, éducation pour l'enfance. Donc, je disais, faites attention, par contre, si vous allez prendre des cours d'éducation pour l'enfance, ne prenez pas tout ce que les koufars vont vous enseigner dans les questions d'éducation. Parce que beaucoup de leurs théories et de leurs théories pédagogiques et tout ça sont basées sur des choses fausses, sur des choses opposées à l'islam. Et donc, il y a des gens qui m'ont répondu en disant, mais j'ai étudié dans ce domaine, j'ai fait un diplôme dans ce domaine, et j'ai rien trouvé de contradictoire avec l'islam. J'ai dit, ouais, mais des fois c'est ça ce qui se passe avec les musulmans. Déjà, quand ils ne connaissent pas les fondements de l'islam comme il faut, hein, quelqu'un qui ne connaît pas les fondements de l'islam, le tawhid, le shirk, hein, ou le bid'ah, ou l'usul, les fondements de la religion, de l'aqida, il regarde un sujet, il ne va pas voir qu'est-ce qui s'oppose à l'islam. La preuve, regardez certains chouyoukhs. Parmi certains qui se disent des ulama, quand on leur pose des questions, on leur dit est-ce que c'est permis la démocratie dans l'islam, ils disent ouais, c'est correct la démocratie, ça fait partie de l'islam. Tu leur poses des questions sur des choses comme ça, ils disent ouais, il n'y a pas de problème, la laïcité, ouais, c'est correct. Si eux, ils ne voient pas les contradictions ou les oppositions qui existent entre la démocratie, entre les fondements de la démocratie et les fondements de l'islam, eh bien, s'ils ne sont pas capables de voir la contradiction fondamentale qui existe entre ces deux systèmes-là, eh bien, comment vous pensez qu'ils vont comprendre par la suite les contradictions qui existent entre des systèmes ou des théories éducatives, ou des théories pédagogiques? Les détails de l'aqida, ils ne les connaissent pas, les fondements de l'aqida, ils ne les connaissent pas. C'est normal qu'ils vont lire le livre au complet, ils ne vont rien voir, parce qu'ils ne connaissent pas les détails de leur croyance. Hein? Et donc c'est, wa alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est très important de connaître et d'étudier. Et c'est pour ça des fois, des musulmans qui rentrent dans des branches d'études, psychologie, philosophie, hein, sociologie, anthropologie, tous ces domaines de sciences de sciences humaines, hein, qui sont basés sur toutes sortes de théories. Et le problème, que ces musulmans qui rentrent dans ces domaines d'études sont pas formés dans leur aqida, n'ont pas une base. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il a commencé à étudier la philosophie pour réfuter les philosophes, est-ce que vous pensez que c'est la première chose qu'il a étudiée? La première chose qu'il a fait, il a ouvert les livres de philosophie, commencé à lire la philosophie pour soi-disant s'instruire? Non. Quand il a commencé à étudier ça, il était déjà un savant de l'islam. Il était déjà un cheikh, était déjà un alim mutamakkin. Hein? C'était un savant qui était ancré solidement dans l'aqidah. Il avait compris cette religion. Il avait maîtrisé ce sujet. Il est entré dans la philosophie, il l'a étudié, il l'a maîtrisé par la suite. Et il a été capable de les réfuter, ces philosophes, un par un, en détruisant tout, à la base, même la racine. Il n'a rien laissé pour les philosophes. C'est pour ça que je dis, mais ces gens-là, les musulmans aujourd'hui, ils rentrent dans ces domaines, ils ne connaissent même pas l'islam. Ces sujets-là, en partant, ils les ont fait comme philosophie, psychologie, tout ça. C'est seulement des gens qui ont établi l'islam, leur aqidah et tout, qui sont des ulama qui ont le droit d'étudier ces domaines pour essayer par la suite de voir qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qui n'est pas bon, puis de prendre le bien, puis le mal de le laisser de côté. Mais quelqu'un, un musulman ordinaire, il n'est pas capable de distinguer entre le haqq et le batil, excepté si c'est quelque chose qui est vraiment apparent et évident. Hein? Mais les petits détails, ils vont passer par-dessus, ils vont même pas s'apercevoir. Et après, ils commencent à éduquer leurs enfants, puis appliquer ces théories-là sur leurs enfants ou sur les enfants des autres, et ils ne savent même pas qu'ils sont en train de les égarer. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, c'est comme si, dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a pas de règles assez claires et assez suffisantes pour nous pour savoir comment éduquer les enfants. Le problème, c'est que les règles, elles sont là, et les principes, ils sont là, mais on les ignore. On les ignore puis on ne les applique pas. Donc, c'est ça le chef qui dit, il faut donc connaître qu'est-ce qui s'oppose à notre aqida si on veut se protéger de l'égarement. Et il y a des gens aujourd'hui qui essaient de dire aux gens, étudiez pas le tawhid, étudiez pas ces affaires-là de shirk, et de connaître les shubuhat des autres sectes et les groupes d'égarement. Ça, c'est pas important. Hein? Et j'ai entendu des musulmans qui disaient ça. Une fois, je suis allé à l'Université de Montréal, il m'avait invité une fois à faire une conférence, ça fait très longtemps, Yanni. Donc, j'ai fait une conférence, j'ai parlé sur la da'wah, l'importance de la da'wah et l'obligation de faire la da'wah. Et j'ai parlé des Mu'tazila, des Shia, des différents groupes de bid'a. Et à la fin de la conférence, il y avait un monsieur qui était là-bas, et il m'a dit, pourquoi tu parles des Mu'tazila, Yanni? C'est pas nécessaire de les mentionner, ces gens-là, ils n'existent plus et tout ça. Hein, c'est ça que le cheikh va mentionner après. Et donc, vous allez voir qu'est-ce que le cheikh a répondu à ça. Mais il dit qu'il y a des gens qui disent, oh, j'ai pas besoin d'apprendre ces affaires-là, le shirk, tawhid, les shubuhat, balal, ça c'est pas important de connaître ça, il faut pas apprendre ça. Et le cheikh dit, ceux qui disent ça, c'est soit parce qu'ils sont ignorants et qu'ils n'ont pas de connaissances, donc ils savent pas l'importance de ces choses-là, ou bien ils veulent essayer d'égarer les musulmans. Hein? Ils veulent essayer d'égarer les musulmans et de les corrompre, de corrompre leur aqida. Donc ça, c'est très dangereux. Donc il dit qu'il faut faire très attention à ces choses-là. Après, il dit, on a entendu parmi les gens qui dit que ceux qui critiquent ou qui attaquent ou qui réfutent les Mu'tazila, ou les croyances des Mu'tazila ou des Jahmiya, wa alaykum salam wa rahmatullah, ou des autres sectes par exemple, ils disent que ces gens-là, ils sont en train d'essayer de lapider les tombes. Hein? On essaie de lapider les tombes. C'est comme si on essaie pas nécessairement, ouais, ça peut être réciter les morts, mais aussi, ils veulent dire comme, essayer de tuer quelqu'un qui est déjà mort. Hein? Comme s'il n'y a pas de bienfait, il n'y a pas de bénéfice, de bienfait à faire ça. Et le chef, il dit, ok, tu dis ça, subhanallah, parce qu'ils sont morts. Eux, ils sont morts. Les Mu'tazila, ils sont morts. Mais leurs idées, leur philosophie, leurs pensées, leurs croyances, elles existent encore. Hein? Et le chef, il dit, non seulement elles existent encore, mais leurs shubuhat existent encore, et leurs livres qu'ils ont écrits sont encore publiés, encore aujourd'hui, sont encore édités et publiés. Et on fait même des corrections de ces livres-là, et on les distribue, et on dépense beaucoup d'argent pour les faire publier, et on les distribue parmi les musulmans, on les propage. Et aujourd'hui, dans le monde musulman, il y a une forte tendance de la aqida des Mu'tazila qui est en train de se propager dans le monde musulman, au nom de ce qu'on appelle al-aqlaniya, ou bien al-afraniya, le modernisme. On essaie de propager un islam moderne, un islam où on n'a pas besoin, on ne retourne pas aux ulama, les salafs, pour comprendre l'islam, ont fait notre propre interprétation moderne. On essaie de, d'interpréter l'islam d'une façon politique. Tout ce qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'explique d'une façon politique. Comme si ce n'était pas une révélation divine qui vient d'Allah, mais c'est des événements politiques qui ont forcé les choses à se produire de certaines façons, et pour des intérêts politiques, on a fait telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Hein? Comme par exemple, un sahabi a fait une chose à un autre sahabi, et là ils interprètent ça par une façon une interprétation politique. Hein? Il a fait ça parce qu'il voulait le pouvoir, et l'autre il a fait ça parce qu'il voulait faire ça. Hein? Et même des fois, comme j'avais dit une fois, ils divisent les sahabas en parties. Ah, eux c'était les socialistes, c'était la gauche, puis ces sahabas, les autres sahabas c'était la droite. Et le fait d'interpréter les événements qui se sont passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des sahabas à la lumière de la politique ou de la des idéologies politiques actuelles. Hein? Et il y en a d'autres qui interprètent le Coran selon leur propre interprétation. Ah, aujourd'hui il ne faut plus croire à ça de cette façon-là, ça c'était avant. Hein? Ça c'était avant. Ouais, c'est plus valable maintenant, comme si la religion c'était juste pour une période spécifique, puis aujourd'hui c'est plus obligatoire de la respecter de cette façon. Il y a un frère qui parlait avec moi sur MSN hier dans la journée, il m'a dit qu'il a parlé avec un musulman dans son travail, et puis il lui a parlé de certaines choses de la religion, et le musulman lui a dit « Ah, mais ça c'était dans l'Ancien Testament ». Ça c'est dans le christianisme, en partant, c'est même pas dans l'islam, l'Ancien Testament. Donc c'est pour dire, subhanallah, c'est l'ignorance qui fait ça, c'est l'ignorance. Hein? Donc c'est pour ça que leurs shubuhat existent encore, leurs livres sont là encore. Donc c'est normal qu'on doit les enseigner pour que les gens soient avertis et pour qu'on réfute leurs shubuhat. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire à chaque musulman de connaître les détails de chaque secte, comment les réfuter, mais c'est obligatoire qu'une portion des musulmans, parmi les toulab al-ilm, mettent de l'importance sur ça pour les étudier, pour les connaître, pour pouvoir avertir les autres et pour éviter que les musulmans tombent dans les égarements que ces gens-là ont inventés ou amenés dans la religion d'Allah. Et le cheikh, il dit, c'est pas parce qu'ils sont morts qu'on doit les laisser, on doit ne plus réfuter ces idées-là, ou ces shubuhat. Il dit, il y a, par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné les shubuhat des peuples des mouchriquins. Hein? Allah a mentionné leurs shubuhat, leurs faux arguments, et leurs objections aux prophètes, et leurs mensonges. Hein? Allah les a mentionnés dans le Coran, et il a mentionné celles des peuples passés comme Pharaon et Haman et Qarun et le peuple de Noé et le peuple de Had et le peuple de Samoud, tout ce qu'ils avaient dit contre les prophètes, et il les a réfutés dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés. Le Coran, c'est un livre de réfutation aussi, une réfutation des mouchriquins ou des koufars qui essayaient de justifier le kufr, qui essayaient de justifier le shirk qu'ils faisaient, ou qui essayaient de justifier la désobéissance envers les prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre les versets pour leur répondre, pour leur montrer, non, qu'est-ce que vous dites, c'est faux, c'est pas vrai. Hein? وَقَالُوا لَا وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَ تَهْتَدُوا hein? قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Allah subhanahu wa ta'ala, les juifs ont dit, les chrétiens ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous êtes sur le bien guidé, vous êtes sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les versets pour dire, non, mais soyez sur la voie d'Abraham, Hanifan, sur le Tawhid, vous ne faites pas de shirk. Il y a beaucoup d'ayats comme ça. À chaque fois que les juifs et les chrétiens disaient quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de s'objecter, Allah faisait descendre un verset pour réfuter ces gens-là. Hein? Quand les mouchriquins disaient quelque chose pour justifier le shirk, Allah faisait descendre un verset pour les répondre, pour leur dire non, c'est pas comme ça. Hein? Donc c'est pour ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَلَا يَأْتُونَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وأحسن تفسيرا. Ils vont pas te venir avec une shubha, un exemple ou quelque chose, excepté qu'on va faire descendre la vérité à son sujet et une meilleure interprétation, une meilleure compréhension. Donc, n'importe quelle shubha ils vont amener, on va trouver dans la parole d'Allah la réponse à ces choses-là. Donc, le cheikh dit que l'important, c'est, le point, c'est pas que les personnages soient morts eux-mêmes. Pharaon, il est mort. Hein, les peuples de Nuh sont morts, les peuples de Ad et Samoud sont morts. C'est pas ça le danger. Le danger, c'est les idées que ces peuples-là ont transportées. Hein, c'est comme on dit parfois, les idées ne meurent pas. Hein, c'est ça. Il y a beaucoup de personnages qui sont morts, mais leurs idées, leur philosophie continuent à influencer des milliers de personnes. Et ça, c'est ça le danger. Et c'est aussi un point aussi quand on récite, par exemple, certains mubtadi'a qui ont amené des bid'ahs dans la religion de l'islam, ils disent « Ah, mais eux, ils sont morts, il faut plus parler d'eux. » Ils sont morts, mais les gens lisent encore leurs livres, et leurs livres sont publiés, republiés encore. Hein, tu regardes certains d'entre leurs livres, c'est comme 10e, 12e, 20e édition. Tu dis « Mais comment on va se taire parce qu'il est mort, on laisse ces bid'ahs se propager ?» Non, on réfute ces bid'ahs, on clarifie le mensonge. Mais lui, il est mort, c'est Allah qui va le juger maintenant, son cas est entre les mains d'Allah, mais on ne va pas laisser ses mensonges et ses erreurs propager dans la société parmi les musulmans sans montrer aux autres musulmans le danger de ses idées et de ses erreurs. Exactement, et c'est une rahma pour lui justement, parce que lui il est châtié dans sa tombe à cause de ces erreurs-là, et vous les faites propager de plus en plus, alors que quand on est en train de les réfuter et d'avertir les musulmans contre ces bid'ahs et ces choubouhats, mais ça fait diminuer son châtiment. Hein? Et donc c'est une rahma pour lui, hein, du fait qu'on fasse ça, et eux ils refusent et ils continuent à publier par exemple les livres de ces qutub et les livres de ces gens-là qui ont appelé les musulmans à toutes sortes de déviations. Donc ça c'est ça qui est dommage dans ces gens-là qui n'ont pas compris ce point important-là. Le cheikh il dit ensuite, il y avait quelqu'un qui avait un commentaire, il a... Exactement. Regardez le peuple de Lot, comme Lot, c'est vrai, hein, qui commençait à prendre les hommes au lieu de prendre les femmes. Et puis, c'était les premiers. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Il n'y en avait pas, c'est vrai. Ça c'est la preuve que ce n'est pas un truc génétique ou que ce n'est pas un truc qui a été, comme ils disent eux, une maladie ou que quelque chose est né avec. Non, la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le peuple de Noé, le peuple de Lot, le peuple de Lot, hein, qui était à Sodome et Gomorre, eh ben, Allah a dit, vous faites une fahisha, vous faites un péché tellement grave, tellement laid, personne ne vous a précédé à ce péché-là. C'était eux les premiers qui le faisaient. Hein. Donc c'est ça l'exemple de, que le fait que ceux qui font le fawahish, comme l'homosexualité, des trucs comme ça, c'est pas vrai que c'est inné, que c'est génétique, que c'est un truc qu'ils n'ont pas le contrôle là-dessus. Ils sont capables de se contrôler. Le problème, c'est qu'ils suivent leur passion et leur désir. Ok? Donc, ça, c'est un exemple que le frère nous a donné à ce sujet-là, qui montre que même si le peuple de Lot, ils sont morts, mais leurs idées et leurs pratiques et leurs désirs, leurs passions continuent à circuler. Et regardez, aujourd'hui, ils s'infiltrent encore plus dans la société qu'à l'époque de Lot, et même ils interdisent, ils veulent même interdire aux gens de les critiquer. Oui, c'est ça. Ils reprochent aux musulmans d'être trop sévères envers eux. Eh ben, le pire, c'est que cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un des magazines communautaires marocains qui, dans son magazine, à la page 14, je disais ça hier, eh ben, ils ont écrit un article sur la communauté maghrébine et comment ils, leur vision justement de l'homosexualité. Puis ils disaient que, comme si la personne qui a écrit l'article, elle disait comme, trouvaient que la communauté maghrébine n'était pas assez ouverte face à ça. Et dans ce magazine-là, on trouve, même il y avait un article qui disait qu'il y a un collège à Rabat, soi-disant ils forment les ulama, ils disent que pour que tu deviennes alim à l'avenir, il va falloir que tu connaisses au moins 3 langues. Il faut que tu parles minimum 3 langues et il faut que tu étudies le christianisme, le judaïsme et le bouddhisme. Et ils ont amené des professeurs de ces religions-là pour l'enseigner aux musulmans. Hein? Et ça, c'est pour les préparer au dialogue avec les autres religions. Donc ça, c'est un autre exemple de déviation, yani, comment ces gens-là, ils pensent ouvrir une porte au dialogue alors qu'en réalité, ils sont en train d'ouvrir une porte vers la fitna. Hein? Mais bon, quand on sait qu'à Fas, il y a un festival de musique religieuse où il y a des bouddhistes, des chrétiens, des hindous, des soufis qui viennent tous chanter ensemble, on ne s'étonne pas. À Fas, au Maroc. Ouais, religieux. Ouais, festival international de musique religieuse à Fas. Et il y a les soufis qui viennent chanter, différentes turcs. Après, il y a les bouddhistes, il y a les chrétiens, les hindous. Allez, vous allez sur Dailymotion, vous trouvez ça. Tu vois, hein? Ouais, ils mélangent tout. Ouais. Il y a des groupes de gospel, des États-Unis, il y a des groupes de chants grégoriens, des catholiques. Ouais, ça, exactement. Et il y a même un gars, un soufi, il fait un concert avec des chanteurs chrétiens dans une église, à l'intérieur de l'église, et lui, il chante les chansons des soufis dans l'église avec les chrétiens. Hein? Ça, c'est leur compréhension de la, soi-disant, de la tolérance et du dialogue. C'est-à-dire, tu tolères le kufr et le shirk, hein, et tu participes avec eux pour, soi-disant, je sais pas quoi, montrer une tolérance quelconque. Donc, Allah musta'an. Et après, le shaykh il dit, وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخ بَابُ الْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ أي أن الموحد يجب أن يخاف من الشرك ولا يقول أنا موحد وأنا عرفت التوحيد ولا خطر علي من الشرك هذا إغراء من الشيطان لا أحد يزكي نفسه ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة فإن الإنسان معرض للفتنة ضل علماء أحبار وزلت أقدامهم وختم لهم بالسوء والعياذ بالله وهم علماء فالخطر شديد ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تنزلق قدمه في الضلال وأن يقع في الشرك إلا إذا تعلم هذه الأمور من أجل أن يتجنبها واستعان بالله وطلب منه العصمة والهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا خاف من الزيغ بعد الهداية والمهتدي يكون أشد خوفا من الزيغ أو من أن يزيغ وأن تذل قدمه وأن تسوء خاتمته وأن يكون من أهل النار نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit un passage ici important, il dit donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a fait ce chapitre qui est de craindre le shirk, c'est-à-dire que la personne qui est muwahhid, qui a unifié Allah, qui a établi le tawhid, il doit craindre le shirk, il doit avoir peur du shirk, il ne doit pas se dire ah ça y est moi je suis un musulman, j'ai appliqué le tawhid, donc j'ai connu le tawhid, donc j'ai pas peur du shirk. J'ai pas peur de tomber dans le shirk. Il dit ça, c'est une ruse et une tromperie du shaytan pour égarer les musulmans. Parce que personne ne doit se purifier lui-même et dire, ça y est, moi je suis sauvé, moi je suis épargné, moi je suis en paix. Parce qu'il y a personne qui est exempt de craindre la fitna. Tant qu'il est vivant, il y a une possibilité qu'il s'égare. Parce que l'être humain est toujours, disons, susceptible d'être présenté à certaines fitnas, certaines épreuves, certaines certains tests. Et donc, c'est toujours, il y a toujours un danger. Le chef, il dit, il y a des grands ulama qui ont dévié. Des grands imams dans l'islam, des ulama qui ont dévié. Hein? Donc, comment quelqu'un d'entre nous, par la suite, va se sentir en sécurité? Hein? Regardez, par exemple, Al-Ghazali. Tout le monde parle d'Al-Ghazali. Hein? Abu Hamid Al-Ghazali. Eh ben, c'était un des grands ulama à son époque, un des grands fuqaha. Et pourquoi les soufis, ils le respectent, ils l'aiment, ils l'élèvent aujourd'hui? Ils le prennent uniquement comme un témoin ou comme un exemple parce que c'était un grand faqih, c'était un grand alim. Sinon, est-ce que vous les entendez parler ou glorifier des shuyukhs soufis ou des shuyukhs des turuqs soufis? Ils n'en parlent, parlent presque pas. Jamais vous allez voir un soufi commencer à parler à des non-soufis, à des musulmans qui ne sont pas soufis, commencer à leur parler de Naqshbandi ou Shabili ou par exemple Tijani ou d'autres. Ils vont leur parler de ulama qui sont reconnus par les musulmans, comme Al-Ghazali ou d'autres ulama qui ont été des fuqaha qui sont tombés dans la bid'a, pour se donner une crédibilité, pour dire, regardez, ces gens-là, c'était des grands fuqaha, puis ils sont venus avec nous, ils nous ont suivis, donc faites comme eux, hein, c'est ça l'exemple. Donc la même chose maintenant aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils font. Ils essaient de prendre l'exemple comme ça. Et le cheikh, il dit, il y a des grands ulama qui ont dévié. Regardez Al-Ghazali, subhanallah, un des grands fuqaha, il est tombé dans la philosophie, tombé dans le soufisme, hein, et dans le batiniya. Il a écrit des livres là-dessus. Puis finalement, à la fin de sa vie, certains ulama ont dit qu'il a fait tawba, et qu'il s'est repenti. Toutefois, il a passé proche de quitter l'islam. Tellement il s'est égaré. Et plein de ulama à l'époque, et après, ils l'ont réfuté sur plein de points. Dans son livre, Ihya Ulumuddin, il y a plein de shirk, il y a des bid'ah, il y a des hadiths moudours, il y a toutes sortes de faussetés. Les ulama en Andalousie, quand le livre est arrivé en Andalousie, les savants de l'Andalousie ont fait brûler le livre devant la mosquée. À tel point qu'ils craignaient qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre d'égarement. Hein? Tu vois? Exactement. Donc, tu vois les gens, tu vois les soufis, elles font une publicité incroyable pour ce livre, Ihya Ulumuddin. Ils disent, ah, Ihya Ulumuddin, et ils appellent Al-Ghazali Hujjatul Islam, la preuve de l'islam, hein. Et ils le glorifient, ils l'élèvent au niveau comme si c'était le plus grand savant de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils veulent appeler les gens au soufisme et utiliser Ghazali comme un modèle ou un exemple. Hein, oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui a douté toute sa vie, il est passé d'un côté à l'autre, hein, tu vois. Donc il s'est dévié durant plusieurs fois dans sa vie, et quand il a étudié la philosophie, il est arrivé à un point où il doutait de l'islam, il doutait de lui-même et de tout, hein. Alors là, il est rentré dans les voies mystiques, dans les voies de soufisme, il est rentré dans les couvents, dans les monastères qu'on appelle les Zawaya. Il est resté longtemps à méditer comme les soufis, à la façon des tasawwuf, hein, pour essayer de découvrir une autre voie, pour découvrir une réalité, parce que par la logique, par la raison, il ne l'avait pas découvert. Donc il a essayé de trouver une autre voie, parce qu'il a douté. Et soi-disant les connaissances cachées ou secrètes. Et il s'est dévié là-dedans aussi. Et c'est pour ça que quand on parle de Ibn Taymiyyah, par exemple, Ibn Taymiyyah, il a étudié la philosophie, il a réfuté les philosophes, mais quand il a étudié la philosophie, c'est pas parce qu'il cherchait une vérité dans la philosophie. En partant, quand il a étudié, il savait que c'était faux. Il n'a pas étudié pour trouver quelque chose, il a étudié pour prouver sa fausseté. Tandis que Al-Ghazali, c'est le contraire, il a étudié parce qu'il cherchait une vérité dedans. Et là, c'est pour ça qu'il s'est dévié. Non. Ouais. Ça, c'est un des ulama qui a dit. Oui, c'est ça. C'est un des ulama qui a dit, il a lu le livre des philosophes Ibn Sina, qui est celui qu'on appelle Avicenne, qui était un philosophe, mais qui était pyrmidique, qui fait partie d'une secte batinée, qui croit même pas à Allah, ni aux prophètes, ni aux anges, ni au paradis, ni à l'enfer. Al-Qaramita, c'est des kuffars, ils n'y croient pas en l'islam. Mais ils se font paraître, ils se font passer pour des chiites. Hein? Alors qu'ils sont ni chiites, ni sunnites, ni musulmans, ni rien. Hein? Ils interprètent l'islam par la philosophie. Donc, eh ben, il a lu son livre. Al-Ghazali, il a lu son livre qui s'appelle Al-Shifa. Shifa, ça veut dire en arabe le remède. Hein? Donc, les ulama ont dit, il a lu Al-Shifa et il a été de le vomir et il n'a pas été capable de le vomir au complet. C'est-à-dire, c'est le livre de Ibn Sina qui s'appelle le remède qui l'a rendu malade. Tu vois? Ouais. Non. Exactement. Exactement. Subhanallah. Donc, le cheikh, il dit, il y a des grands ulama qui sont déviés. Il y a un cheikh qui s'appelait, en arabe saoudite, qui s'appelait Al-Qasimi. C'était un égyptien. Il vivait dans la ville de Qasim. Il était très fort dans la réfutation des Shia et des gens de Bid'a. Il a écrit des livres, même il a écrit un livre pour réfuter ces gens-là, dans leur shirk qu'ils font et tout ça. Il était très très fort dans la réfutation. Il avait une très grande intelligence et une très grande force de quand il écrivait. Et puis il a quitté la foi. Il a quitté la foi complètement. Il est retourné en Égypte et il est mort par il est athée, croyait plus à rien. Donc c'est pour dire, c'est pas quelqu'un qui a du ilm, qui est un grand ilm, qui est protégé de l'égarement, non. Donc si c'est le cas pour les ulama, alors imaginez pour les gens ordinaires, il faut toujours se sentir comme si on n'est pas à l'abri. C'est peut-être même une punition qu'Allah lui a fait, du fait qu'il se pensait trop intelligent et qu'il croyait que c'était de lui-même qu'il arrivait à réfuter toutes ces choses-là, qu'il était tellement fort, tellement intelligent, et là qu'il est arrivé par la suite, Allah lui a montré, regarde. Hein? Peut-être qu'il n'était pas modeste, peut-être qu'il n'était pas sincère aussi et humble, alors Allah l'a puni, il l'a égaré à cause de ça. Le kibr, et ça la fierté et l'arrogance. Hein? A'oudhu billah. Allahu a'lam. Mais c'est pas la même chose. Mais il a pensé que personne n'avait plus de savoir que lui. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait rencontrer Khidr. Il a dit, oui, il y a quelqu'un plus savant que toi, il lui a montré Khidr. D'accord? Mais bon, à part la suite, on connaît l'histoire, c'est dans Surat Al-Kahf. Bon. Mais ça, c'est pas la même chose que ce que le cheikh mentionne ici. Il dit que, peu importe, ton niveau ou ta foi ou quoi, tu peux toujours glisser, tu peux toujours tomber, et tu sais pas ta fin. Le plus important dans ta vie, c'est comment tu vas terminer ta vie. Hein? On dit « husnul khatima ». Donc l'important c'est « innama al-amal bil khawatim ». Ce qui compte de toutes tes actions dans ta vie, c'est comment tu vas terminer ta vie. Tu peux avoir vécu toute ta vie dans le bien, puis après tu juste avant de mourir, tu commences à dévier, puis tu meurs comme ça. C'est dans l'égarement. C'est pour ça qu'il faut toujours rester alerte, vigilant, et de pas se laisser aller. Des fois, hein, un être humain, le shaitan, il lui vient dire, allez, repose-toi un petit peu là-dedans. Tu fais beaucoup d'adoration, tu fais beaucoup de bien, t'es toujours en train de te retenir. Hein, laisse-toi aller un petit peu là. Prends tout ton sac, hein. Lâche-toi, hein. Lâche-toi un petit peu. Et puis juste au moment où tu te lâches, et bien c'est là, l'ange de l'amour vient prendre ton âme, et puis ça y est, c'est fini. Donc c'est pour ça, il faut toujours rester aux aguets. Et l'amour vient comme un voleur, hein, on s'en attend pas, hein. Donc c'est pour ça, le chef il dit, donc il faut connaître le shirk, et connaître les choses qui peuvent nous amener au shirk pour qu'on puisse les éviter. Hein, et il faut demander l'aide d'Allah qui nous protège de ça, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection et la guidance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le dua dans surat Al-Imran, notre Seigneur, Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, surat Al-Imran, le verset 8. Notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Hein? La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Hein? Donc, le cheikh il dit, les sahaba ils avaient peur de dévier après avoir été guidés, après avoir connu la guidance. Hein? Et donc, celui qui est sur le droit chemin et qui est guidé, il doit avoir plus peur de l'égarement encore que celui qui est moins guidé que lui. Hein? Et il doit avoir peur de glisser et d'avoir une mauvaise fin pour tomber et être parmi les gens du feu. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit les musulmans, subhanallah, c'est incroyable. On dirait qu'ils pensent qu'ils sont garantis au paradis. Comme s'ils ont un certificat, hein, avec un papier, avec une étampe dessus, c'est écrit, tu vas rentrer au paradis, c'est garanti. Hein, peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe qu'est-ce que tu dis. Hein. Oui, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم. Comment vous jugez? Est-ce que vous avez un livre que vous étudiez qui vous dit là-dedans qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous avez une entente avec Allah subhanahu wa ta'ala, un serment avec Allah subhanahu wa ta'ala que vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez? Hein? Donc c'est ça que les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, les finis musulmans, alhamdoulillah, c'est fini. Exactement, ceux qui font le shirk, qui vont voir les awliya, qui prient, qui les adorent, qui font le tawaf autour des tombes, eux ils se disent, nous on est musulmans, on est garantis au paradis, alhamdoulilah. Donc quand ils voient les chrétiens, ils disent, ça c'est des kuffars, des mouchriquins peut-être, hein. Ils disent, ah eux sont égarés, c'est des gens qui adorent. Ils ne savent pas c'est quoi le shirk, c'est ça le problème. Donc, ouais. Exactement. J'ai rencontré des musulmans qui disent, moi je connais tout de l'islam. Imaginez. Moi j'ai dit, subhanallah, il y a des ulamas qui étudient 60 ans de leur vie, l'islam, ils n'ont pas fini. Toi, t'as même pas étudié, t'as même pas diplôme, même pas un doctorat en islam, et tu penses que t'as tout connu de l'islam. Hein? Et aujourd'hui, moi j'étais avec le frère, Hicham, aujourd'hui, et puis, il y a un frère, on est allé quelque part, puis on parlait avec un musulman, et puis il nous disait, en parlant de la prière, il me dit, ah ben si la prière c'était obligatoire de les faire dans leur temps, là je comprends, il faudrait les faire, mais étant donné que c'est pas obligatoire, on peut les faire toutes le soir, on les réunit tout ensemble, puis on les fait le soir. Donc, moi je l'ai entendu dire ça, puis je me disais, subhanallah. Comme s'ils croient que c'est pas obligatoire de faire les prières dans leur temps. Ils croient que c'est pas obligatoire. Imagine. Donc, moi, je l'ai expliqué, je dis, ah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah, il a fait que les prières soient prescrites dans des temps précis. Il dit, ouais, mais ça, c'est dans un pays musulman. Mais ici, quand on n'est pas dans un pays musulman, donc il faut, comme si je pense que Allah va comprendre que, hein, on est ici, puis il faut faire les choses selon la société. Hein. Je pense qu'Allah va comprendre. Ajib, subhanallah. Comment tu peux dire ça? Hein? Comme par exemple, je pense qu'Allah va comprendre. Mais si tu dis ça, tu peux dire ça à propos de tout. Je pense qu'Allah va comprendre que je fais pas le zina parce que je veux le faire, mais c'est parce que, hein, Allah va comprendre pourquoi je fais le zina. Allah va comprendre pourquoi je bois de l'alcool. Allah va comprendre pourquoi je prends le riba. Allah va comprendre que j'ai besoin d'une maison. Allah va comprendre que j'ai besoin d'une voiture. Allah va comprendre que j'ai besoin d'une carte Visa, Mastercard. Allah va comprendre que j'ai besoin d'une femme. Allah va comprendre que, a'oudhou billah. Hein, ça veut dire qu'avec ces excuses là, la foi c'est dans le cœur et l'important c'est an-niyya. Niya, c'est important, mais il faut que non seulement ton intention soit pure et qu'elle soit sincère, mais il faut que l'action soit acceptée et que l'action soit respecte les conditions de l'islam. C'est pas juste avoir l'intention, parce que ça marche pas comme ça. Tu dis, je pense qu'Allah va comprendre, mais Allah il t'a dit dans le Coran, mais dans la sunna, ce que tu dois faire. Il a dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, et fais ton possible pour l'appliquer. Maintenant, il y a des cas de nécessité, c'est des cas de nécessité, ça c'est les ulama qui les déterminent, qui les expliquent, mais toi tu commences pas par toi-même à chercher des excuses puis à te rendre halal ou à te permettre de faire tout ce que tu veux dans la religion sous prétexte que tu penses que Allah va comprendre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Allah subhanahu wa ta'ala huwa arhamur rahimin. Allah c'est le plus miséricordieux des miséricordieux, le pardonneur. Mais en même temps, il est shadidul iqab. Il veut de nous qu'on l'obéisse et qu'on écoute à ses commandements. Et si on met Allah en priorité et qu'on lui donne le respect qu'il mérite, on va pas se donner des prétextes pour le désobéir, pour faire plaisir à des créatures, ou pour soi-disant donner une priorité à un emploi ou à une autre chose de la dunya. Hein? Donc il y a des gens comme ça, ils ont perdu le sens des priorités dans leur vie. Donc ils mettent des choses en premier qui sont pas obligatoires. Il y en a un qui m'a dit, ouais mais imagine que tu es dans une réunion avec ton travail, puis ça dure comme 4 heures, 5 heures, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, subhanallah, imagine que tu es dans une réunion puis que tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas pas quitter la réunion pour y aller? Hein? Il a dit, bah ouais, ben c'est ça. Il dit, alors tu vas quitter pour aller aux toilettes, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas pas prendre 10 minutes pour aller faire ta prière. Il y en a qui le font pour aller fumer, et ils vont pas le faire pour aller faire la salade. Donc c'est des exemples. Comment des fois les gens ils mettent les choses à l'envers de la religion, hein? Donc c'est juste des exemples de l'ignorance parfois, et allez, c'est ça le malheur de la Ummah actuellement, c'est ça. Moi subhanallah, c'est comme quand j'observe des fois la situation de certains de nos frères et de nos sœurs musulmanes, en particulier ici, mais des fois même dans les pays musulmans, et on se dit subhanallah, on dirait que on leur a arraché le cœur. On dirait qu'on leur a arraché le cœur de la poitrine. Ils ont plus de sang. Quand ils ont plus de sang, c'est comme s'ils ont plus de sang. Vous comprenez l'expression, ils ont plus de sang? C'est moi qui l'ai inventé. Ouais. ils ont plus de sang, ça veut dire, comme si on dit que, tu sais, quand t'as le sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois quelque chose, ça te fait bouillir là, tu deviens, t'as chaud là, ça te choque, ça te dérange. Eh oui, c'est ça. T'as pas le sang. T'as pas de sang, subhanallah. Tu vois quelque chose, tu vois des choses, tu fais des choses. C'est comme si t'as plus de vie, hein. C'est quoi l'expression, le poème, hein? Il y a un poème en arabe qui dit, walakin la hayata la hayat, la hayata li man tunadi. Le premier, c'est quoi? La première partie. En tout cas, je vais dire en français, c'est-à-dire, si tu étais vivant, tu sentirais la douleur. Mais, il n'y a pas de, tu appelles quelqu'un qui est mort. Donc, oui, c'est ça, le sang, l'expression. Donc, et ça, c'est comme, subhanallah, le musulman, il a le ghayra, il a la jalousie, il a le sens de l'inkar bil qalb. Ta'zim sha'air Allah, que tu vois des musulmans qui fa'innaha min taqwa al-qulub. Donc ça c'est normal, mais je pense que les musulmans, ils ont eu une sorte de lobotomie. Certains d'entre les musulmans, on les a lobotomisés, hein. la partie devant du cerveau là, le devant du cerveau, on leur a bousillé le devant du cerveau. Ils ont plus de sentiments, ils ont plus de sens. Aussi, il y avait une autre technique, c'est qu'ils faisaient un trou ici puis passaient une tige dans le cerveau, mais c'est le devant du cerveau, parce que c'est là qu'il y a les émotions, c'est là que soi-disant sont les émotions ou les connexions, soi-disant pour les émotions. Fait qu'il n'y a plus de connexion entre les émotions puis le corps. Donc on est comme des morts vivants dans la rue, agile. On est comme des zombies, hein. Donc c'est ça Al-Musta'an. Donc le Cheikh Ibn Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné comme premier verset pour prouver qu'on doit craindre le shirk, le verset dans Surat al-Nisa, qui est le verset 47, qui dit « وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer dans l'adoration ou qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Autre que le shirk et le kufr, si tu meurs avec ces péchés-là, en dehors du kufr et en dehors du shirk, tu meurs sur ce péché-là, eh ben, c'est sûr que minimum, même si tu rentres en enfer, tu vas pas rester éternellement en enfer, tu vas rester une période puis tu vas rentrer au paradis par la suite. Ou bien tu vas rentrer direct au paradis. Soit, c'est une des deux. Hein, si t'as pas fait le shirk, puis t'as pas fait le kufr, c'est sûr que tu rentres, soit que tu rentres direct au paradis, soit que tu rentres en enfer pour une période puis tu vas sortir de l'enfer après. Hein, et là, il explique par la suite les détails de ça. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis on continue les détails de ça la semaine prochaine, Inch'Allah. C'était juste comme une introduction aujourd'hui à ce problème qui est le danger du shirk. Puis en même temps, on voulait donner des exemples pour faire comprendre aux musulmans l'éloignement puis la réalité de notre situation par rapport à ça. Non, c'est vrai. Ouais. C'est ça, comme le frère il dit. C'est pas parce qu'on est épargné du shirk ou qu'on fait pas le shirk majeur ou mineur que le shaitan nous a abandonné et qu'il nous laisse en paix. Non, au contraire même, c'est sur nous qu'il va mettre plus d'efforts. Hein? Les koufars, les shaitans, ils font peu d'efforts avec eux pour les égarer. Travaillent peu sur eux parce que justement ils sont déjà perdus, déjà ils sont dans le shirk, dans le kufr, dans les péchés, dans les désobéissances, dans les bédas, dans l'égarement, Shaitan n'a pas beaucoup de travail à faire avec eux, ils sont déjà perdus, il les a dans sa poche. Mais le mouahid, celui qui est sur le tawhid, qui s'est écarté des bédas, qui s'est écarté du shirk, hein, qui s'est écarté de certains péchés, il ne le laisse pas. Jour et nuit, il travaille sur lui pour essayer de le faire dévier, pour le faire tomber dans un petit péché, pour essayer de le faire quelque chose. Et le shaitan, il travaille par ordre de priorité. Première chose, il essaie de faire tomber dans le shirk et dans le kufr. S'il n'est pas capable, il passe au bid'a. Le shaitan préfère les bid'a que le shirk. Le shaitan préfère les bid'a que les péchés. Parce que les bid'a, tu les fais, tu penses que Allah aime. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu fais une bid'a, tu t'imagines qu'Allah aime, donc tu penses que tu te rapproches à Allah, donc tu veux pas te repentir, tu veux pas demander pardon, parce que tu penses que ce que tu fais, Dieu l'aime. Comment tu vas te repentir de quelque chose qu'Allah aime? Donc le shaitan préfère les bid'a. Ensuite le péché. Un musulman qui fait des péchés, même si c'est des grands péchés comme quelqu'un qui fait le zina, mais il sait que c'est haram, il est moins pire que le musulman qui fait pas de pays, qui fait pas le zina, qui fait la prière tous les jours à la mosquée, et puis qui fait des bid'ah. Hein? Parce que celui qui fait des bid'ah, lui, il rend halal ce qui est haram, et il pense que Allah aime ce qu'il fait, alors qu'il invente des choses dans la religion. Hein? Il y a les paroles des salafs, il y a des hadiths, il y a toutes sortes de choses là-dessus. Soufiane al-Thawri, il disait, al-bid'ah ahabu ila iblis. من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها المعصية يتاب منها لا بيشي تكو تنرفانسي من البدعة تكو تنرفانسي فاسلما أي نعم هذا هو أي نعم يا حديث وين ما جسباتي للصحيح فعيزان سي كم سي كم سي كالله نكسب بالا رفانس المبتدع حتى يدعها جسكا كلا باندون. Et ça, c'est très difficile. Ça ne veut pas dire que Moubtadi ne peut pas se repentir, mais ça veut dire que c'est très très rare que Moubtadi se repent, quitte la bid'ah, hein, parce qu'il a une vision à l'envers des choses. Et donc, c'est très dur de le faire quitter sa bid'ah. Hein. Mais c'est pour dire que des fois, il y a des gens qui ont dit « Ah, regardez, on a fait quitter il y a des gens qui étaient sur le péché, c'était des voleurs, des menteurs, des tricheurs, des tueurs, des choses, des criminels. » Puis ils sont venus avec des, avec ouais, ou des femmes qui portaient pas le hijab sont rentrées dans des groupes de soufis, ou avec Jamaat Tabligh, ou avec d'autres groupes de bid'ah. Ils ont commencé à faire des formes de bid'ah, de shirk, ou des sortes d'innovations, et ils ont quitté, ouais, ils ont quitté les péchés qu'ils faisaient. Eh ben, ils pensent qu'ils ont amené quelque chose de mieux, alors qu'avant ils étaient mieux que lorsqu'ils font, qu'est-ce qu'ils font maintenant. Avant, ils faisaient des péchés, ils savaient que c'était des péchés, et ils savaient qu'ils devaient se repentir, et ils pensaient peut-être même à la repentance, tandis que maintenant, ils font les péchés, et ils pensent que c'est halal, et ils pensent qu'Allah aime ce péché-là. Alors qu'ils font des choses sans se retourner aux références et aux preuves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna. Et ils innovent dans la religion d'Allah. Donc ça, c'est la deuxième chose que le shaitan essaie de te faire, tomber dans les bid'ah. Après, dans les kaba'ir, les shahawat, les shubuhat, et après ça, dans les petits péchés. S'il ne peut pas te faire tomber dans les gros péchés, il te fait tomber dans les petits péchés. Puis il essaie de te faire amener à tomber dans un grand péché par la suite. Et les ulama, ils ont dit Al-ma'asi bari'd al-kufr. Les péchés sont comme les messagers de la mécréance. À force de faire des péchés, ça risque à la longue de t'amener à le rejet de la foi et la mécréance. Donc, na'ouzou billahi min zalik. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikoum, et à la semaine prochaine, inshallah.